je vous dirais que j'ai une satisfaction personnelle de voir qu'un petit baveux comme Gabriel Nadeau-Dubois se soit finalement fait rappeler à l'ordre. Ses parents l'ont pas fait. Mais il y a quelqu'un qui a fini par le faire. C'est ça. À un moment donné, un ado comme lui finit toujours par avoir une leçon. T'sais, les adolescents finissent toujours par frapper un mur dans leur façon de faire. Les autres sont convaincus qu'ils ont raison puis qu'ils ont une solution. Ils n'ont pas de vécu, là, mais les autres sont convaincus de ça. Hier, il s'est fait ramener sa traque et pas à peu près. Et saluer le conseil de presse, un organisme sérieux, crédible, impartial, très important dans notre milieu. Qui m'ont reproché à moi personnellement d'avoir été impoli dans une entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois, alors que moi, je suis un caméléon. Si on me parle en niaiseux, je vais parler en niaiseux. Quand on me parle en baveux, je vais parler en baveux. On a été blanchis. On a été accusés de 3 chefs, toi puis moi. Là, il y en a 2 sur 3 là, qui ont décidé qu'ils ont été coupables, là, mais ont quand même été blanchis sur certains aspects de la plainte des broyards. Parce que moi, me faire reprocher d'être impoli quand on me traite en polisson ou en croton, à radio, pour moi, c'est l'équivalent d'un arbitre de soccer qui vient d'une game de hockey pis qui essaye de coller un coup franc, là. C'est parce que tu fais ici, là. T'es qui, toi, là? C'est quoi, ça, le conseil de presse, là? Ça va être beau, là. Gérez vos affaires avec vos amis, là, pis laissez-nous faire notre job. OK? 8h42. Nous autres non plus, l'intimidation, ça marche pas, là.